25. Activation orale. Prononciation. Le son A. Écoutez et répétez. Dollar. Par hasard. Garçon. Ça va partir. Album. Talent. Relax. Accent. Ce n'est pas grave. Naturellement. Imagine. Travail. Sans blague. Mal adapté. La classe terminale. Facile.